Amis chasseurs, vous êtes prêts pour votre sport favori? Le magasin Ferlac de Dolbeau-Mistassini a tout ce qu'il faut pour une recette gagnante. La pierre de sel, 9,99 le 20 kg ou 8,99 à l'achat de 3. Le sel de chasse de marque ProParc, 7,99 le 20 kg ou 3 sacs pour 17,99. Le magasin Ferlac, 727 boulevard Vézina, 418-276-3918. Toute l'équipe du magasin Ferlac souhaite à tous les chasseurs la meilleure saison de chasse possible. Nouvelle chronique à danaisosport.com. On va parler du CGS de Jonquière. CGS de Jonquière, c'est la nouvelle formation dans la Ligue du Lac au Fleuve. À tous les mardis, l'instructeur-chef Gillo Gagnon va venir nous parler des matchs et ainsi de suite. Puis les activités commencent en fin de semaine contre notre équipe, en principe, de Beaumont-Sassigny. On parle à Gillo Gagnon. Salut Gillo! Salut Danny. Gino, comment ça a été en fin de semaine? Je sais que sur les médias sociaux, j'ai vu passer un paquet de choses. Ça a bien été apparemment. Les gens étaient bien contents. Donc, parle-moi de ça un peu. Bien, moi, j'ai trouvé que le match s'est joué quand même à vive allure. J'ai été agréablement surpris parce que je m'attendais pas. Dolbeau, j'ai fait le saut parce que j'ai trouvé qu'il y avait un bon club. Une équipe très rapide, axée sur le contrôle de la rondelle. Il a fallu s'ajuster. Ça n'a pas été un match facile. Ensuite de ça, les gardiens ont quand même fait des très bons arrêts. Ça a été bon. Écoute, j'ai été surpris aussi au niveau de l'assistance. Écoute, il y avait quand même 250 personnes. Puis il y avait un match de la Ligue nord-américaine. Je m'attendais pas à grand monde. Puis j'ai fait le saut de l'engouement des gens. Fait que je pense que ça promet pour l'année. Écoute, la semaine prochaine, on rejoue contre cette même équipe-là. Puis je m'attends à une meilleure foule. Puis je m'attends encore à un meilleur spectacle. C'est vraiment le fun de voir ça. Il y avait des beaux jeux de transition. Il y avait du beau contrôle de rondelles. Mmh. Il y a eu du bon jeu physique également, des bonnes mises en échec, mais égal, aucun coup disgracieux. Ça a été une partie, disons, à vive allure. Hey, je suis bien content, ça va faire avaler les paroles de du monde, parce que vous savez qu'il y a du monde qui vous traite d'à peu près tous les noms, puis qu'il n'y a même pas une partie jouée, puis si vous êtes une grosse ligue de Mongol, vous êtes une grosse ci, grosse ça, même pas eu de bagarre. À quelque part, il y a du monde qui vont certainement commencer à avaler les paroles, il va en avoir de la bagarre, je ne comprends pas d'histoire, mais ça va jouer au hockey aussi. Ouais, puis l'important, c'est que si, mettons, il y a combat, ça se fasse entre hommes forts. Ouais. Que les bons joueurs puissent jouer au hockey, parce qu'il ne faut pas se le cacher, là. Ça prend des bons joueurs de hockey sur la glace. Mm. Puis, tu sais, Danny, on regarde ça, là. Quand une chose est nouvelle, que ce soit dans n'importe quelle affaire, là. Faut lui donner une chance. Ça prend toujours. Moi, ouais, c'est ça. Tu as aussi des gens, tu sais, l'adaptation avec ça se fait. C'est toujours long. Puis, il y a toujours des mauvaises langues qui vont parler. Puis, je pense qu'on ne peut pas empêcher ça. C'est normal. Non. Dans le fond, c'est l'inconnu. Puis, l'être humain, ben, l'inconnu, il n'aime pas ça. Fait que là, plus la saison va avancer, ben, je pense que les gens vont apprécier le produit. Puis c'est comme je vous dis, là, le jeu est très rapide. Il y a des beaux jeux, il y a des bons joueurs de hockey là-dedans. Faut pas l'oublier, là. Il y a des gars qui ont joué du junior majeur, il y a des gars qui ont fait du junior 3. Il y a même des gars dans la Ligue qui ont fait de la Ligue nord-américaine, tu sais. Le calibre, là, c'est pas un calibre de boîte de conserve, là. Moi, je trouve ça très bon. Mais tu sais. Peut-être être surpris de ça. Mais tu sais, ils ont un mythe. Les ligues seniors, vous avez un mythe. C'est un mythe un peu comme le golf. On dit souvent que le golf, c'est un sport de riche. Ben, je pense que c'est une comparaison que je fais. La Ligue Senior, vous avez un mythe que vous avez des bagarres, des gros mongols, comme on dit, là. Mais c'est pas du tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que tu veux faire? Vous êtes pogné avec ça. Ben, c'est sûr que faut regarder, faut prendre le temps de s'asseoir. Tu sais, quand on parle de mythe, bien souvent, il y a des choses qui arrivent, qu'on se souvient des mauvaises choses. Ça veut pas dire que tous les matchs ont été comme ça. Moi, il y a des games seniors que j'ai vus, là, qui ont eu du très bon hockey. Malheureusement, on paye pour les mauvaises aventures. Donc, comme tu parles, ce mythe-là peut-être il demeure. Mm. Je pense que c'est nous, en tant qu'équipe, en tant que ligue, de montrer aux gens que nous avons un bon produit, puis que c'est fait une belle activité. Là. En tout cas, j'ai trouvé que les gens étaient de bonne humeur. Puis, ça fait une belle activité pour les gens qui veulent sortir. Mais là, tu as parlé de 250 personnes. Votre promotion, vous l'avez fait tôt, parce que on ne se raconte pas d'histoire. Ici, à Dolbeau-Mistassini, à Charlevoix, il y avait 628 spectateurs à Charlevoix. Sur la côte nord, Forestville, ça va être sensiblement. Je pense que l'assistance va être bonne. J'ai fait plusieurs entrevues. Vous autres, à Saguenay, c'est différent. Là, parce que là, tu l'as dit, vous vous prenez contre les Marquis. Vous avez également, c'était le même soir que les Marquis, vous avez Saguenay de Chicoutimi. Vous avez les élites de Jonquière. Et il y a également toutes les petites ligues seniors, même les ligues juniors régionales. Du hockey au Saguenay, il y en a en masse. Donc, les attentes ne doivent pas être les mêmes, j'imagine. Puis comment vous allez faire votre promotion? Comment vous allez faire pour vous démerder dans tout ça? Là? La meilleure publicité, Danny, là, je vais être honnête avec toi, c'est la victoire. Ben oui, c'est sûr. Tu mets ça n'importe où. Là. C'est pas une bagarre, c'est pas c'est sûr que les médias aident beaucoup, mais si ton équipe gagne, les gens vont venir. Mm. Moi, je pense que c'est la victoire. Au niveau de notre publicité, je sais qu'on s'est servi aussi des médias sociaux. Ouais. Puis là, on s'attache pas. Là. Samedi soir, tu avais la Ligue nord-américaine qui avait la Jonquière. Tu avais 950 spectateurs d'un bord. Tu en avais 250 chez nous. Tu avais un game du Canadien samedi soir. Ouais. Fait que moi, là, quand je regarde ça froidement, là, vraiment content, là, parce que je vais être honnête avec toi, je m'attendais même pas à 100 personnes. Puis j'ai fait le saut de voir ça, il y avait de l'ambiance. Puis les gens, t'es-tu content? Les gens, t'es-tu oui, content? Oui, ok, bon, les, ben c'est bon. Les gens étaient contents. J'ai senti que les gens étaient contents. Okay. Je sais que mon directeur général est venu parler, puis il était très content aussi, qu'il y avait des bons commentaires. Il y a Mathieu Caron aussi qui s'occupe des officiels là, dans notre circuit, qui est venu nous voir, puis tout le monde était content. T'sais, c'est sûr qu'il y en a toujours qui. Ils vont avoir des choses à dire, mais s'il y a 80% des gens qui sont contents, je pense que le travail est fait. Là. Ben oui. Hey, dis-moi, votre instructeur, Bob Desjardins a fait une sortie des médias dernièrement, dans le quotidien, pour dire qu'il n'y avait pas assez de joueurs de Jonquière et ainsi de suite. Ils étaient 17. C'est-tu réglé ce soir-là? Là? Ben, c'est sûr que moi, pour appuyer mon directeur général, j'ai été dessus également. Tu sais, quand on regarde ça, l'âge senior, tu sais, 20-30 ans, des fois, les gars, ils sont avec leurs femmes, ouais. Ensuite, ils ont des enfants, ils ont divers problématiques, tu sais, on a tout passé par là. Je pense qu'il faut être patient, il faut laisser le temps aux choses, aux gens de s'adapter. Puis là, présentement, on a des gars de Jonquière, surtout des défenseurs, là, qui s'en viennent, là, tranquillement, pas vite. Puis, à un moment donné, je suis pas mal sûr qu'il y a certains gars de Jonquière qui vont rentrer au barcaille. Puis je m'en vais à la défense de mon DG, je pense que Paul va travailler très fort pour partir de cette ligue-là. Ben ouais. Il est parti en relation par rapport à ses anciens qui quittaient le club qui avaient 22 ans. Puis c'est sûr que quand t'es là, quand les gars se présentent pas, puis que lui, ben, il est fort là-dessus, moi je peux un peu comprendre ses émotions. Mais sa sortie, as-tu donné quelque chose? Ben, je pense que ça a fait parler. Je sais que présentement, on essaie toujours d'aller chercher ces gars-là. Puis, comme dirait mon directeur général, les meilleurs directeurs généraux, ce sont les joueurs, parce que c'est par contact que les joueurs vont se parler. Moi, c'est sûr que Mais là, tu réponds pas à ma question, Stéphane. Tu fais le politicien. Là. C'est moi qui est en politique. Là. Normalement, c'est moi qui devrais patiner. Je vais te reposer la question encore une fois. Est-ce que ça a donné quelque chose en fait de joueurs? Est-ce que tu as eu plus de joueurs actuellement depuis la sortie de Bob Desjardins? C'est ça que je veux savoir. Oui ou non? Ah oui, j'ai eu plus de joueurs. Bon, c'est ça que je voulais savoir. Mais je ne te dis pas que j'ai eu plus de joueurs de Jonquière. Les joueurs de Jonquière, quand je parle de joueurs de Jonquière, on parle des joueurs là, qui ont marqué quand même le circuit maltais là, dans les belles années. Ouais. Mais on a quand même des défenseurs qui se sont joués au club de Jonquière. Puis ça commence tranquillement. Là, je sais que dans l'équipe, il y a des contacts qui se font, puis grosso modo. Mais bon, il n'y a pas de problème pour l'année. C'est ça que je veux savoir. Est-ce que l'année. Okay, c'est ça que je veux savoir. Aucun problème pour ça. Bon, ben c'est bien mieux. C'est ça que je veux savoir. Là, parce que dans le fond, les joueurs, on est dans différents secteurs. C'est ça qui arrive. Ah oui, c'est ça. Tu sais, je veux dire, on sera pas à tête. S'ils veulent pas venir, on ira pas les chercher par la non, non, non, non, non, non, non. Il faut que les gars soient motivés. Il faut que les gars viennent par passion aussi. Okay. La forme des joueurs, comment ça donnait comment? C'était-tu pas pire? Parce que là, vous pratiquez une fois par semaine. C'est ça. Vous avez eu une pratique, puis vous allez en match hors concours. Ça dit quoi, la forme? Ben, écoute, la forme, c'est certain que je m'attendais pas à, ah non, c'est à ça un match effectivement au niveau du fonctionnement physique. Juste pour donner un exemple, comme Dolbo, eux autres, ils avaient pratiqué, je pense, 3 ou 4 fois. Nous autres, on avait pratiqué une fois. Ensuite, on menait 3-1 après 2 périodes. Ensuite de ça, ben, le match a tourné à leur faveur 4-3. Okay. Il a fallu s'ajuster. Puis, tu sais, je m'en attendais un petit peu parce que les gens m'ont coupé un petit peu en troisième. Sauf que, tu sais, ces gars-là, Danny, ils sont regardés aussi, parce que des fois, ils jouent beaucoup dans les ligues de garage. Ouais. Fait qu'ils ont l'occasion de jouer. Tu sais que pour la forme, c'est certain qu'on n'est pas top niveau, comme on dit. Mais non, c'est normal. Puis, moi, mon but, c'est d'amener justement les gars en forme au dernier match de la saison pour avoir le pic d'émotion puis le pic de conditionnement physique pour les séries de fin de saison. OK. Hey, ton gardien de but, tu trouvais, t'as un match sur concours, là. Donc, tes paires de défenseurs, tes trios, un match sur concours, c'est pas assez, là. C'est-tu trouvé? Ben, on dit que c'est pas assez, Danny. Il faut s'ajuster rapidement. Ouais. Donc, dans l'année, tu sais, je veux dire, de ce côté-là, au niveau des défenseurs, il n'y a aucun problème. Au niveau des attaquants, on n'a pas de problème non plus. Okay. On n'a pas beaucoup de profondeur, mais on en a. Présentement, je peux te dire qu'au niveau de l'alignement, c'est difficile parce que là, il faut couper des gars parce que je peux pas habiller tout le monde. Mais je pense que l'équipe va être très compétitive à chaque match. Il n'y a aucune inquiétude. Senior, quand tu coupes un gars, senior, ça dit quoi? C'est pas comme un midget ou un midget, ils sont déçus puis ils sont en beau calvasse, mais un senior que tu dis tu joues pas à soir, il comprend-tu ou il est bien content? Ou il est bien content, ben il est à bon maudit. Je vais te dire, je trouve ça tellement drôle dans des fois, là. Ouais. Les gars seniors, là. Ouais. Ouais, là, on est tellement une belle esprit de famille chez nous. C'est sûr que présentement, on est en lune de miel parce que c'est la belle. Ben ouais. Mais des fois, je compare ça un peu avec des enfants parce que là, ils l'apprécient, les gars, là. Ils sont vraiment drôles dans le vestiaire, ils sont vraiment drôles en équipe, ils font des farces. Puis c'est la même maudite chose, la même maudite affaire, là. Je veux dire, oh, puis je te dirais même plus, les gars seniors sont tellement contents d'avoir une équipe organisée que c'est encore deux fois plus drôle de les voir. Okay. Quand tu vois un gars de 250 livres faire des farces avec les gars, puis être content, puis on a-tu une pratique coach, puis les gars sont motivés, là. C'est vraiment spécial. Puis en parlant, quand tu coupes un joueur senior, c'est certain que tu peux avoir des réactions. Okay? Ouais. C'est important de placer les bons mots, de bien expliquer, puis d'être honnête avec eux autres. Mm. Tu sais, quand je peux pas les habiller, il faut que tu leur dises pourquoi. Puis habituellement, là, à 90%, ils comprennent, il n'y a pas de problème. Okay. Parce que eux autres, vous savez que le hockey, c'est un sport où les gens ont besoin d'affiliation. Puis c'est une de leurs premières motivations. C'est que les gars, ils veulent pas perdre l'esprit de corps, l'esprit de groupe. Puis ils acceptent, puis ils prennent leur pelule, parce que c'est pas évident. Le hockey senior, tu sais, en partant, ça me prend... comme moi, dans mon concept à moi, je me suis joueur fort en offensive, j'ai un trio d'énergie, puis les trois... Mes trois derniers, faut que ça amène une énergie plus la force avec mes hommes forts pour sécuriser mes autres. Okay. Fait que, tu sais, je veux dire, quand il y en a un qui joue pas, ben, peut-être, si c'est un gars qui est de nature, exemple, top 6, ben, j'ai juste 6 places, tu sais, j'ai pas 50 places. Les gars sont logiques, ils comprennent, je pense que c'est pas l'important, c'est la communication, faut que ça soit bien. OK, pas de problème. Ben merci beaucoup, Gino. C'est tout très intéressant. On s'en parle le mardi prochain pour parler du match. Ça va me faire plaisir. Gino Gagnon, l'instructeur-chef du CRS de Jonquière, tous les lundis ou mardis à danadosport.com.